un produit qualifié. De toi je pourrais me passer quand d'autres sont dit parlant. Tu sers fièrement entre mes mains. Oh,